En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler de hockey avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, des acquisitions pour le Canadien du côté de Dale Weiss, du côté de Thompson également, des Kings de Los Angeles. Également, on peut parler aussi de Colin Fallon, le défenseur des Flyers de Philadelphie. C'est des genres de transactions que Marc Bergevin nous a habitués au cours des dernières années. Oui, effectivement, des transactions de profondeur. Du moins, on doit souhaiter chez le Canadien d'avoir une meilleure profondeur. Je pense que ça fait un certain temps là, qu'on se questionne un petit peu sur l'identité de notre quatrième trio. Pas que c'était des mauvais joueurs, même je pense que les joueurs qu'on va tasser, là, c'est des joueurs peut-être qui sont un peu supérieurs à les joueurs que tu as nommés sur le plan offensif. Mais je pense qu'on voulait s'assurer que notre quatrième trio soit plutôt un trio d'énergie, un trio qui va s'assurer de ne pas accorder de but à l'adversaire. Et dernièrement, le quatrième trio n'a pas bien fonctionné. Donc, ça a donné peut-être une raison additionnelle à Bergevin de bouger sans vraiment toucher au cœur de l'équipe et sans vraiment avoir concédé là, des espoirs lors de transactions. OK. Est-ce que Dale Weiss, un gars comme Dale Weiss, ça a juste bien fonctionné à Montréal. D'ailleurs, ça a été plus ou moins bien, là. Est-ce que tu penses qu'à 30 ans, il peut reconnaître les séries qu'il a faites en 2014 et en 2016? C'est sûrement sur ce sur quoi Marc Bergevin s'appuie et souhaite. Moi, ces gars-là, Danny, c'est sûr que c'est du court terme pour moi. C'est vraiment là, on voit que la saison que le Canadien connaît, on a un petit peu d'espoir, on a bien figuré contre les Jets de Winnipeg, on a quand même bien fait contre Toronto. On est dans la course pour les séries et on voit qu'on est capable de compétitionner soir après soir. Donc, oui, j'aurais aimé préférer avoir des jeunes prospects qui vont être là sur une longue période, mais sans dire que c'est des joueurs de location, c'est pratiquement ça. Sur le quatrième trio, des joueurs qui vont tuer le temps, qui vont apporter une énergie, peut-être une robustesse un petit peu plus prononcée que Pekka, les Chaput et ainsi de suite, ceux qui jouent sur le quatrième trio. Moi, je vois ça quand même d'un bon œil, mais c'est du court terme. Si on avait touché au cœur de l'alignement, j'aurais pas été d'accord avec ce processus-là. Mais dans le contexte du Canadien, faudra voir maintenant si Wills et Thompson se révèlent là, les joueurs de quatrième trio qu'on souhaite. Moi, je pense que c'est de bonne augure, mais maintenant, il faut voir leur performance d'ici la fin de la saison. Parce que ça n'a pas été, ça a quand même pas été, du côté du Canadien, ça a été quand même assez ni chaud ni froid, les gens. Hein, parce qu'on disait, Marc Bergevin, dans le fond, il a décidé d'y aller avec des jeunes cette année, puis il va chercher des gars de 34 ans, ça va peut-être enlever de la glace à Charles Hudon. Oui, ça c'est sûr. Présentement, là, la grosse déception de la saison, c'est le sort qui arrive à Charles Hudon, qui malgré tout n'offre pas du mauvais hockey. Malheureusement, là, peut-être pas utilisé sur des vrais trios offensifs. Puis lorsqu'il l'a été, il a eu ses chances, mais il l'a pas produit offensivement. Donc je pense que ça vient le hanter un petit peu. On peut pas reprocher à Charles Hudon son manque d'implication, son manque d'effort. C'est juste que là, il est peut-être victime un petit peu là, présentement de la profondeur du Canadien. Mais, tu sais, Danny, j'essayais d'analyser ça un peu. Quand on regarde le Canadien de cette année versus celui de l'année passée, ça a été, encore une fois, beaucoup de rapiessage de Marc Bergevin. Marc Bergevin, il est devenu un spécialiste du rapiessage parce que sa une organisation... ne produit pas vraiment de jeunes espoirs. Et ça a été vrai jusqu'à cette année, mais si on regarde qui des jeunes espoirs proviennent de l'organisation du Canadien de Montréal, Il y a Kotkaniemi. Oui. Julson était là l'année passée, un petit peu en partie. Sinon, tous les autres joueurs qui ont un impact cette année, c'est tous des acquisitions de Marc Bergevin, encore une fois, via transaction. Mais ça s'en vient, là, par exemple. Oui, les deux derniers repêchages nous annoncent de belles années en avant du Canadien parce que les espoirs, si évidemment on continue de bien progresser, on peut être optimiste. Mais pour le succès de cette année, c'est encore une fois des transactions de Marc Bergevin. L'année passée, il avait manqué son coup. Cette année, il a fait de très bonnes transactions. C'est ça qui fait la différence. Combien de joueurs actuellement dans l'uniforme du Canadien ont été développés à l'intérieur de l'organisation du Canadien? Je pense que j'ai compté là, 5 sur 23 seulement. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Oui, dans l'avenir, peut-être que ça va changer. C'est pour ça que moi, l'addition de Thompson, de Weiss, continue en attendant que les vrais bons jeunes prospects du Canadien arrivent, des joueurs d'impact. En attendant, il faut trouver une façon d'aller chercher de la profondeur tant aussi longtemps que ces jeunes-là ne seront pas prêts à jouer un rôle important chez le Canadien. Parce que, encore une fois, à Hamilton cette année, pas Hamilton, mais excusez, à Laval, dans le club filial, on peut pas dire là, qu'il y a beaucoup de prospects qui frappe à la porte du Canadien. Peut-être Jack Evans éventuellement, mais il était trop tôt pour lui donner un rôle de... Puis te fleurir. Oui, exactement. Ouais, donc, c'est très mince, et c'était peut-être trop tôt pour eux autres de les mettre dans le rôle que le Canadien a besoin actuellement. Donc, c'est sûr que ça... Hey, je veux te parler d'un gars qui s'appelle Daniel Carr, que tu as toujours aimé. Moi, je me rappelle quand tu coachais à Hamilton, tu étais à Hamilton à l'époque, tu disais que Daniel Carr était un joueur... qui pourrait être intéressant, qui pourrait se développer. Daniel Carr est avec les Wolves de Chicago cette année. Il a 60 points. Il est en tête des compteurs de la Ligue américaine. En tête, là. Puis il a 6 points d'avance sur le deuxième. Ça te surprend-tu? Pas vraiment. Qu'il soit premier compteur, qu'il soit dans les 10 premiers compteurs de la Ligue américaine, ça me surprend pas. Écoutez, Daniel Carr... C'est dans le jargon du hockey, là, un joueur qui vient pour jouer à tous les soirs. Okay. Il est doté d'une éthique de travail incroyable. Je l'ai déjà comparé à Brandon Gallagher en termes d'attitude. Oui. Il est prêt à payer le prix. Il a le flair offensif. Il a quand même une bonne vitesse. Pas le meilleur patineur, mais une bonne vitesse. Ça n'a pas fonctionné avec le Canadien. Et là, il se retrouve dans l'organisation des Golden Knights de Vegas et il frappe à la porte, mais c'est un petit peu un Charles Ludon, puis je m'explique, pour moi c'est des joueurs de très bonne qualité qui leur manquent ou qui doivent ajouter un petit élément dans leur jeu pour vraiment trouver une chaise qui va leur convenir pour continuer à produire dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est des joueurs qui idéalement devraient évoluer dans les deux premiers trios d'une équipe, parce qu'ils ont ce flair offensif-là, mais il leur manque un petit peu de production offensive pour souhaiter jouer sur une base régulière dans la Ligue nationale. Mm. Mais pour revenir à Daniel Carr, je suis pas surpris parce que c'est un joueur de qualité, puis je serais pas surpris qu'il se faufile éventuellement dans la Ligue nationale s'il est patient. À un moment donné, il va tomber dans la bonne équipe où ils vont avoir de la place pour lui. Il va faire sa place. Ces joueurs-là, comme Daniel Carr, c'est des joueurs qu'il faut que tu aies la confiance des coachs. Hein. C'est juste ça. Faut que Charles Ludon, c'est la même affaire. Charles Ludon, c'est parce que quelque part, Claude Julien, là, il n'y a pas la confiance de Claude Julien. Ben, puis quand tu n'as pas la confiance, tu perds ta confiance toi-même. Puis c'est ça. Hein. C'est un très bon point. Lorsqu'on est à établir sa place dans la Ligue nationale, qu'on soit rappelé dans la Ligue américaine, qu'on soit... un joueur qui est toujours entre deux chaises, c'est là que c'est important de voir ou de sentir la confiance de son entraîneur. Puis ça fait toute la différence. Lorsqu'on sent qu'on a une marge d'erreur, lorsqu'on sent qu'on n'a pas nécessairement le fusil sur la tempe, dès qu'on va connaître un mauvais match, une mauvaise présence, une erreur sur la patinoire, à ce moment-là, le joueur n'est pas capable de jouer la tête libérée et ça fait toute la différence dans le jeu d'un joueur. Puis à un moment donné, il y a un déclic d'Danny qui peut se faire. Mm. Cette confiance-là est renouvelée ou elle apparaît. Et un joueur peut se transformer rapidement. Si on regarde présentement la séquence fructueuse de Jonathan Drouin, ben je pense que cet élément de confiance, j'ai l'impression qu'il joue de façon plus libérée depuis quelques matchs. et ça lui permet de voler sur la patinoire, de prendre un peu plus de risques, et ça le rend meilleur de toute évidence. Stéphane, aussi, je veux te parler du... parce que moi, je surveille beaucoup l'Avalanche du Colorado parce que Samuel Girard vient d'ici. Fait que c'est sûr que ça me donne... Écoute, pour les fois qu'un joueur du Lac-Saint-Jean vient faire la Ligue nationale, puis l'Avalanche, ça a très, très mal commencé. Hein, puis ça a très, très bien commencé, c'est-à-dire, puis là, maintenant, oui. C'est vraiment pas... Est-ce que l'incident n'est une mécanique? Moi, je pensais que ça allait avoir du bon, soit du bon, mais que ça allait être pire encore. Qu'évidemment, ça a été pire. Est-ce que tu penses que Jared Bernard et son poste pourraient être en danger prochainement? Parce que là, l'équipe ne sert pas... L'équipe est dans l'Ouest, ça joue tellement... On joue à qui perd gagne. C'est pas perdu. Oui. Cette équipe-là... Écoute, il y a un trio. C'est sûr qu'il y a un trio dans l'Avalanche. Là, mais tu penses-tu que Jared Bernard, ça continue même... Pourrait perdre son poste? Ben, je suis pas sûr que c'est l'entraîneur le plus en danger actuellement, okay. Mais écoutez, là, tout est possible. Colorado est encore seulement à 4 points d'une place en série avec un match en main sur Minnesota. Ouais. Ouais. La période des transactions arrive. Sûrement, on va vouloir bouger. Est-ce que l'année passée, Colorado a surperformé? On pensait tous... qu'ils n'avaient pas nécessairement la profondeur pour connaître le genre de saison qu'ils ont connu l'année passée. Cette année, ça semble leur manque de profondeur semble les rattraper. Mais je pense que sûrement qu'il y a des plans pour renforcer cette équipe-là, pour faire une chance de participer aux séries. Mais c'est peut-être plus tard cet été qu'un entraîneur comme Bernard pourrait... perdre son travail, mais moi, je pense qu'on va être encore patient avec lui pour un certain temps. OK. Stéphane, un gros merci. On se reparle tantôt. Ben, ça me fait plaisir. À bientôt, Danny.